Vous pouvez réécouter cette émission ainsi que consulter la liste de toutes les chansons jouées via le CISM893.ca et l'application mobile de CISM. Bonjour à toi, cher auditeur de CISM. Et oui, tu écoutes Critique de Crowd avec Jolaine Ruet jusqu'à 4h en cette première estivale, en cette 15e saison consécutive de Critique de Crowd. Ça donne 4 ans et demi à peu près. Bien heureuse d'animer pour vous sur les ondes de la marge. Si c'est la première fois que tu nous écoutes, ben oui, je critique les foules. Le concept est bien dans le nom. Et je t'observe, j'essaie de te comprendre. Et oui, ça suscite aussi bien des anecdotes. Alors, des fois, je dévie un peu. Et justement, je m'amuse beaucoup sur les ondes à vous conter des souvenirs et même des souvenirs où il y a de l'anti-crowd. Alors, je te reviens sur le sujet tout de suite après la musique. Et en cette première estivale, une saison qui annonce toujours beaucoup des festivals. Juste cette semaine, c'est le Festival Distorsion. La semaine prochaine, le Puzza Fest. Et pour cette semaine, ben, c'est le gros ménage du printemps. Parce que je ne fais que des comptes rendus de spectacles qui se sont déroulés cet hiver. Alors, ménage du printemps dans mes notes de crowd, mais elles sont tout aussi savoureuses et excellentes. Et elles valent la peine d'être comptées sur les ondes de la marge. Entre autres pour les 16 ans de Distro Botto. Il y a eu un bel événement à la Casa del Popolo et sinon, Sounds dans le cadre de Montréal en lumière. Ouais, ouais, je sais sa date. Autrement, qui dit nouvelle saison et aussi parfois la fin pour certains. Et mardi dernier, c'était le lancement de programmation de CISM et on a surtout souligné le départ de Joris et Sébastien de l'émission Rhythm Wise, une émission phare à la station. Notre dose de reggae sera quand même assouvie grâce à basse fréquence. Bienvenue les garçons des anciens de CIBL. Et oui, je suis vraiment triste parce que je les adore, les garçons. Et même Sébastien, je sais que ce n'est que à peine un au revoir sur les ondes de CISM parce que il m'a dit « Jolaine, moi aussi je peux en critiquer de la crowd. J'ai vu Zaz au Centre Bell l'autre jour. C'est malade. » Alors voilà, je te relance l'invitation en direct parce que oui, on veut te revoir. Je veux te revoir. Je veux ton point de vue de crowd. Sur ce, pour vous rendre hommage, et ils en ont passé la semaine dernière, puis leur dernière, Tekken Jaffa Kali. Alors, on va écouter du bon reggae avec It, le pouvoir sur leur album Coup de gueule. Quitte le pouvoir, je te dis quitte le pouvoir. happening in that time. PBS got a grand man, when a man écoute ça. Hey. On a marre, on a marre, on dit qu'on a marre, on vit dans le cesse, on dit qu'on a marre, on a pas pas de pain, on dit qu'on a marre, tout le peuple, tous les gosses, tous les mecs, qu'on a marre. Tu gouvernes mal, ton gouvernement mal, détourne mal, les comptes monumentales, vivent dans le mal, tu nous fais dans le mal, il est donc évident que tu baisses dans le mental. Pas d'évolution, man, libère le peuple, fais le vite, fais le bien, man, libère le peuple, et pense à demain, man, libère le peuple, tu le fais pour le bon, tu le fais pour le peuple, reste tout le temps, tu nous pourris le temps, pas le moins de changement, tu nous pourris le temps, pas de boulot, pas de job, tu nous pourris le temps, l'avenir tout le temps, tu nous pourris le temps, une seconde de trop, une minute de trop, un cadavre de plus, un cadavre de trop, le mandat de plus, c'est le mandat. On a marre, on dit qu'on a marre, on vit dans le cesse, on dit qu'on a marre, on a faim, pas de pain, on dit qu'on a marre, tout le peuple, tous les gosses, tous les mecs, on a marre. Voilà la porte, sort dans le calme, pas de balle, pas de sang, tu sors dans le calme, yo, voilà la porte, sort dans le calme, t'es qu'à la vallée, sors dans le calme. Dites-le pour moi, j'étais dit, dites-le pour moi. Dites-le pour moi, dites-le pour moi, j'étais dit, dites-le pour moi. Laisse tomber l'histoire. Sans incident, quitte le pouvoir. Laissez tomber l'histoire, vous savez pourquoi, monsieur le président. Quittez le pouvoir, monsieur le président. Si vous aimez votre peuple, quittez le pouvoir. Tout en fade, Tekken Jacofoli sur les ondes de la marge avec sa chanson « Quitte le pouvoir ». Vous écoutez Critique de Crowd en ce spécial, tout ce qui reste. Et oui, c'est toujours spécial les émissions de Critique de Crowd. Et quand je dis tout ce qui reste, c'est parce que ça inclut du verglas. Alors, si tu trouves le temps un peu maussade, ben, rappelle-toi qu'au mois de mars, ben, il faisait drôlement pas beau. Et justement, un triste dimanche de mois de mars, ben, il y avait du verglas. Et je m'en allais prendre l'autobus et bon, peut-être comme le veut la tradition, j'arrive toujours à la dernière minute en spectacle. Ça inclut aussi le restant de ma vie et donc dans les transports en commun ou simplement se rendre jusqu'aux transports en commun. Je m'explique. Je sais que ça prend comme 45 secondes pour me rendre jusqu'à l'arrêt de bus. Puis je la vois, puis je connais le chemin. Mais là, je suis comme un peu serrée, tu sais. Et plus le facteur verglas. Je vivais littéralement une course à obstacles où il y avait des éléments supplémentaires. Course à obstacles parce que, oui, il fallait que je fasse des détours. Et il y a une espèce de barre. Il y a une barre devant moi qui, tu sais, celle qui empêche là, que les chars y passent là, parce qu'il y a du stationnement, puis c'est payant, puis ils veulent pas perdre d'argent. Là, bref, t'auras compris. Bref, c'est le genre de barre-là. Et en plus d'affronter le verglas par terre, je me disais, soit je fais une partie avec moi-même de limbo, soit je la contourne et je perds énormément de temps. Et bon, ça aurait été le second choix. Ben oui, de toute façon, je pense que j'aurais perdu. Et à quatre pattes, ça aurait pas été vraiment plus rapide de passer en dessous. Et là, je vois l'autobus. Je suis à 2 mètres! À 2 mètres! De l'autobus et surtout de l'arrêt. Un dimanche soir à 10h, il est 10h01 et moi je suis surtout à 2 mètres de distance de l'arrêt. Je fais signe à la conductrice, je suis là, j'arrive! Oui, il y a beaucoup de mélodrame dans mes anecdotes. Et l'autobus passe. Si seulement elle n'avait que passé, parce que oui, effectivement, je n'étais pas à l'arrêt, donc c'est quand même légitime que j'y rentre pas, tu sais, ça va, c'est ça le concept, on attend à l'arrêt, puis on embarque, c'est pas genre je cours après l'autobus et potentiellement j'ai une place, non. Reste que la conductrice m'a fait une main, tu sais, comme plus... J'allais dire comme les Spice Girls dans Stop, mais pas tout à fait. Mettons qu'il y avait beaucoup moins de joie de vivre. C'était, oui, arrête-toi immédiatement, mais une espèce de wow. Puis une espèce de fille, je ne te prendrai pas dans mon autobus. Puis elle a continué son chemin. Ça m'a choquée. Ça m'a véritablement choquée parce que Son autobus était vide! Je le crie parce que vraiment, ça vaut la peine. Ton autobus est vide un dimanche soir à 10h. Tu me fais un petit... moi, je te prends pas, même si t'es potentiellement en broche. Je le sais, c'est quoi tes intentions, mais tant pis pour toi. Marche, marche jusqu'au métro. Ton autobus était vide, mais surtout cette main remplie d'arrogance de ton autobus rempli d'anti-crowd. Il y avait de la contre-crowd, il y avait plus de vide que d'autres choses. Et sa main, cette main remplie de doigts d'honneur, parce que je ne pouvais pas simplement dire que c'était un wow, c'était une main là, qui faisait comme « Ah, vengeance, tu voulais essayer de rentrer et tu rentreras pas ». Ses doigts étaient tous insultants, là. C'était comme s'ils fendaient chacun l'air au lieu que ça soit juste le majeur qui est vainqueur dans la démarche. Il était tout là, comme tous ses doigts. Non, non, non! J'étais vraiment choquée parce que oui, la face aussi de la personne reflétait aussi ses intentions. J'étais triste. J'étais surtout pas due pour voir le spectacle parce que ça fait en sorte que au lieu que j'arrive à la Casa del Popolo en 15 minutes, mais ça m'a pris 45 minutes. Et encore une fois, c'est sûr, c'est drôle, il y a des gens qui m'ont dit porte plainte parce que c'est un peu dernière minute, puis pourquoi elle t'a pas accueilli. Et on dirait que pour moi, il y a deux aspects, comme la sécurité. Bon, déjà, c'est ça, la sécurité de la conductrice, parce qu'avec le verglas, peut-être que pour elle-même, c'était une démarche compliquée, même si elle traverse les feux, puis qu'elle se met sur le bord de la route, c'est un peu compliqué. Puis oui, c'est un traitement de faveur, mais il y avait personne d'autre, c'était comme ça le job. Et en même temps, oui, sécurité. Moi, dans l'intérieur des autobus, ce sera mon moment éditorial en passant en crowd. Mais tu sais, à l'intérieur de certains autobus, là, et pas toujours là, il y a une publicité comme quoi collée à la fenêtre que si vous êtes une femme et qu'après 9 ou 10 heures le soir, vous pouvez demander d'arrêter en deux arrêts pour votre sécurité. Et moi, ça m'agace toujours parce que ça implique une femme. Je comprends pas pourquoi un homme pourrait pas se sentir pas en sécurité et veuille demander d'arrêter entre deux arrêts. Et oui, ça, c'est ça m'agace. J'aimerais ça que ça soit marqué juste un individu. Un individu, c'est simple. Mais aussi le principe de sécurité. Je comprends pas pourquoi, comme je suis en sécurité toute seule au beau milieu d'un boulevard, tout seul dans le noir. Ça, c'est sécuritaire. Quand je suis pas dans ton autobus, on s'en sac de ma sécurité. Mais quand je suis dedans, wow! Les choses se passent tout à fait différemment. Alors, en échange de cette main, de cette mitaine, de ce... Non, c'est pas une mitaine, c'était un gant de doigt d'honneur que la conductrice m'offrait comme ça sur le passage. Mais moi aussi, en échange, en tant qu'enfant très mal élevé, en passant, non, je suis bien élevé. C'est juste que là... la malpolitesse a pris le dessus. Moi aussi, j'ai fait des doigts d'honneur. Je te déteste, ça, autobus, STM, bah! Alors, j'étais en train de, satisfaire cette envie de colère et de la partager tout à fait gratuitement. Et ça donnera pas grand-chose parce que ça m'étonnerait qu'elle regardait son angle mort. Et je me disais moi-même, c'est mal poli, puis je sais même pas si c'est légal. Tu pognes-tu une amende quand tu fais des doigts d'honneur aux gens? Tu sais, ça doit bien être pénalisé à quelque part dans la vie. À part pas calculer des bons points de karma, mettons. Enfin! Mais je me disais que la meilleure chose qui pouvait arriver, c'est qu'elle soit tellement choquée qu'elle recule l'autobus, puis qu'elle me dise « ça se fait pas, ça, petite fille, il faut rester poli dans la vie, peu importe ce qui arrive », puis que là, je puisse rentrer dans l'autobus et arriver à temps à la Casa del Popolo. Ah non, ça s'est pas passé. Mais ça prouve quand même que Critique de Crowd, et oui, c'est une émission d'anecdotes, et oui, parfois, c'est politiquement pas très correct. Sur ce, j'ai pas dit tant de fuck, mais étant donné les doigts d'honneur, ça vaut la peine qu'on passe fuck de Julien Gasque. Thank you. Je me sens toujours ingrate quand je passe de la musique expérimentale et de passer que quelques secondes, quelques minutes. Et vous avez entendu 4000 Blackbirds, que j'ai complètement manqué. Évidemment, je vous ai dit, je suis arrivée en retard à cause d'autobus. Alors, pour souligner les 16 ans de Distro Botto, il y avait entre autres, 4000 Blackbirds avec Alexandre Saint-Onge, Guy Marc et OSB, que finalement j'ai réussi à voir. Oui, j'ai pu voir une performance. Et pour tous ceux peut-être qui se disent, mais qu'est-ce que c'est, Distro Botto? Tu en as sûrement vu, mais tu connaissais peut-être pas le nom. Ce sont ces machines distributrices qui existent depuis 2001 et qui vendent des petits objets d'art. En tout, il y en a eu 100 000 faites par 1200 artistes différents et qui viennent autant, oui, de la scène locale, mais aussi à l'international. Et il y avait des petits bijoux quand même parmi ce qu'on pouvait collectionner parmi les objets du Distro Botto. Entre autres quand même, tu sais, des trucs inédits et de Kin Kan, Red Mass, Xavier Caffeine et Georges Leningrad. Faut avoir l'œil, il faut se yeuter souvent son Distro Botto. Et sinon, le tout, c'est organisé par Arc Montréal. Je le mentionne parce que en ce moment, il travaillait avec... voyons, le Musée de littérature québécois, la médiathèque Gaétan Dosti, avec la passe qui a fermé dernièrement, et là, c'est récupéré et ça va être à l'église Saint-Enfant de Jésus. Alors, la conservation de notre or, ils le font très bien, ils le propagent très bien, alors je tiens à le souligner. Merci pour la passe, puis merci pour la médiathèque, ça fait bien du bien. Mais là, c'était bien à l'honneur le 16 ans de Distro Botto. Je le répète beaucoup parce que moi, j'aime ça les chiffres pas ronds, j'aime ça qu'on fête 16 ans. Déjà, t'es 16 ans à toi, crowd, c'est marquant, c'est un chiffre, moi je trouve que c'est un petit chiffre particulier de l'adolescence, 14, 15 boîtes, c'est comme moustache mode, mais 16 ans, il y a quelque chose de du vrai qui se passe. Alors, alors je suis bien heureuse d'y être malgré mon retard. Oui, ça a été décevant là-dessus parce que paraît-il qu'il y avait beaucoup plus de crowd qu'à mon arrivée drôlement tardive un dimanche soir. Ben oui, les gens ont commencé à quitter quand on était plus proche de 11 heures. La ville 9 à 5. Ben oui, ça fait cette incidence-là dans la foule qui était, dans la trentaine, quarantaine, habillée quand même propre, look bigarré. C'était pas une foule homogène, mais au moment où j'étais, elle était peu nombreuse. Mais ce qui était drôle... Ce qui était drôle, ou pas drôle du tout pour critique de crowd, c'est que, étant donné que c'était un spectacle relativement calme, on m'avait averti, on m'avait même dit « Jeune, qu'est-ce que tu auras bien à dire sur ce spectacle? » Parce qu'effectivement, si c'est tranquille, il n'y aura pas de mosh pit, donc on se demande bien qu'est-ce que je vais dire. Ben écoute, oui, le monde était assis, et drôlement bien assis, et même trop assis, dans le sens où les gens étaient assis au bar, aux petites tables, peut-être qu'il y en avait dans le fond de la salle, j'avoue que là, c'est mon souvenir qui me trahit. Mais toutes les places étaient prises. J'étais la seule, pas de chaise, par obligation. Je me sentais... C'est niaiseux, mais je me sentais vraiment comme la première perdante à la chaise musicale. Tu sais, comme... Tu dis, voyons, j'avais toutes les chances devant moi pour m'asseoir. Et néo! Impossible. J'ai même demandé au bar, je dis, ouais, il n'y aurait pas de chaise de trop par hasard, tu sais, dans le sous-sol. Non. Fait que j'avoue que je me sentais drôle par mailler la crowd, sachant que j'avais manqué une bonne partie de la soirée et en me sentant, mais je me sentais pas trop, là, vraiment, là, c'est pas du tout le cas. Mais quand même, je me disais, voyons. Je suis vraiment la perdante de la chaise musicale, puis j'étais un peu triste. Mais j'ai pu être très rapidement consolée par les merveilleux objets du Distro Botto qui étaient en vente, mais à part. Ça me faisait quand même rire parce que, ben évidemment, ils ne pouvaient pas amener une machine et ils sont gros, ils sont imposantes. Quoi qu'il y en ait une à l'entrée de la casa. Fait que ça aurait... Ouais. Bref, c'était pour fêter l'organisation et plutôt comme la machine en tant que telle, là, on s'entend. Reste que c'est ça, il y avait les œuvres en vente à la table, en avant, et j'adorais ça, parce que je me sentais comme un enfant avec un Kinder Surprise, mais qui a pas eu besoin comme de défaire le chocolat, parce que je sais pas vous autres, mais moi, je laissais le chocolat mi-blanc, mi-rien, le burl! Fait que, bref, je me sentais à avoir juste le crémage, puis pas le gâteau que je voulais pas. Fait que je me sentais vraiment heureuse. Aïe, rien ne me comble. Effectivement, il y avait une très belle crowd d'œuvres aussi en passant. Sinon, ben écoute, pour la musique, oui, on est dans les eaux expérimentales ambiantes, drone noise, lo-fi, et c'est tranquille autant dans la foule que sur scène. Et c'est un moment unique, et vraiment unique pour moi, parce que étant donné que j'avais pas de place, je me suis assis à terre, collée sur le mur, mais exactement dans la même position, assise à genoux, comme l'artiste. Et on était à quelques mètres de distance. Je crois que c'est assez rare d'être physiquement dans la même position qu'un artiste sur scène. Oui, déjà, c'était particulier parce qu'il était de côté. Et non, ce n'est pas le genre d'événement où visuellement, il se passe beaucoup de choses. On n'a pas affaire à des performances scéniques. On est plutôt dans une certaine forme de concentration, de contemplation, d'appréciation. C'est très individuel. Mais oui, là-dessus, on dirait que je connectais plus avec l'artiste simplement parce que je me sentais comme une translation. On était pareil, mais à une distance. Et aussi, je pitonnais pas un ordinateur, là. Je conviens, je n'étais pas lui non plus. Et autre point qui était à mon avantage, malgré d'être perdante de chaise musicale, c'est les vibrations. Moi, je crois que c'est un des éléments les plus importants dans ce genre de musique-là, que physiquement, ça vient te chercher beaucoup plus fort que dans d'autres genres musicaux. Et à être au sol, ben oui, la vibration, et il me semble que tu la sens encore plus parce que elle fait son chemin à travers le matériel autour de toi et non juste toi comme obstacle au son, là, ton petit être humain de chair et d'os. Alors, je trouvais que ça a été comme un avantage. Ça a été un avantage au final pour mon appréciation musicale. Oui, parce que autrement, tout le monde écoutait, mais félicitations, on écoutait bien. Et même à la fin de la soirée, j'accuse le fait que, bon oui, je prends des notes, fait que ça peut piquer la curiosité. Reste que le couple à côté de moi, un couple adorable et coloré, qui on se met à jaser, on pose des questions, puis tout comme moi, il connaissait pas tant les artistes sur place, mais il était venu à la découverte parce qu'il connaissait Distro Botto, puis j'ai trouvé ça beau. Ça a rajouté cet aspect amical que j'aime tant dans la crowd. Vous me direz effectivement, oui, c'est parce que je prenais des notes, là. Alors, sur ce crowd, griffonne, dessine, écris des poèmes dans la foule. Tu vas voir, il va se passer des affaires très, très magiques. Sur ce, pour les robots et pour la magie, et parce que j'adore Malajube, et j'ai réécouté le compte complet récemment, et je l'aime toujours autant, le robot sexy, et on va continuer avec les ultra-thérobdactyles. Les robots savent-ils qu'ils sont des robots? Sexy love, love. que les distrobotos savent qu'ils sont des robots? On ne le saura jamais, mais les ultra-dérodactyles chantent les robots. Savent-ils qu'ils sont des robots? Sur leur album « Quand une mascotte saigne », vous avez aussi entendu un beau classique de l'album complet de Malajube, « Le robot sexy ». Après les publicités, je te parle de Soons et de Soons, puis encore de Soons. Ah, puis de figuration, oui, oui. En tout cas, ils s'en passent des affaires à Critique de Crowd après les publicités. À tout de suite. Excusez-moi, j'aurais besoin d'un conseil pour un vin. Cherche un vin surprenant, jeune, avec une finale émergente. Oh, je travaille pas ici, madame, mais ce que vous cherchez, c'est le festival Vue sur la Relève. Ah, oh, je le connais pas, celui-là. C'est un festival qui va avoir lieu du 9 au 20 mai à Montréal. Il y a du théâtre, comme la pièce Petit crime contre l'humanité, de la danse, de la musique. Wow! Il y a aussi des parrains de soirée, Karim Ouellet, Valérie Blais, Gazeline. Le tout en collaboration avec Québécois. Je vais en prendre deux bouteilles. Oui, mais madame, je travaille pas ici. Pour les billets, allez sur vuesurlarelève.com. Cette capsule est présentée par Promotion Propaganda qui vous propose cette semaine. Tu rêves de travailler dans l'animation, les effets spéciaux, le jeu vidéo ou le design? Rubika, l'école des talents de la création numérique, t'offre la possibilité de le réaliser. Inscris-toi maintenant à l'examen d'admission du samedi 27 mai et bénéficie de 50% de rabais avec le code promo RubikaPBR. Pour en savoir plus, va sur le site rubika-edu.ca. Pour savoir ce qui se passe dans le monde culturel et urbain, consultez nos différents présentoirs partout à travers Montréal. Promotion Propaganda, c'est la culture à portée de main. Canaille présente son troisième album, Backflip. Découvrez ce mélange particulier et follement authentique de folk, cajun et blues. Pour les dates de leur tournée, visitez lebelcanaille.com. Album en vente et en écoute partout dès le 28 avril. Vous écoutez CISM 89,3 FM. Autobus scolaire d'Arsenic 33 sur leur album. Il y a des limites à faire dur parce que oui, Arsenic 33 fête leur 25e anniversaire. En même temps que le 50e du Café Campus, il y a des chiffres qui adonnent bien. Et oui, alors le spectacle qui se passe au Café Campus Arsenic 33 est sold out! Mais sur les ondes de CISM, vous pourrez l'entendre ce vendredi. Et sinon, vous écoutez Critique de Crowd. Ah ouais, justement, je me disais tellement que, oh mon Dieu, c'est sold out, puis j'ai pas pensé pas tout à mon affaire, parce qu'il y a trop de spectacles ces temps-ci. Trop étant quand même un bon point, là, je ne me plains pas du tout. Simplement, il faut faire des choix. Ce soir, parce que peut-être que tu l'as déjà vu, il est en supplémentaire, Marc DeMarco au Métropolis. Vendredi, c'est Pai Pai ou Pipi. Et justement, c'est là que je me suis souvenu que j'étais déjà occupée vendredi, moi qui voulais me dédoubler pour voir Arsenic 33. Et Pipi est en spectacle dans le cadre de Distorsion Psyfest avec Bar, Sisters Are Your Sunshine, Vapor, Teenies Organism. Et ça se passe à l'église Saint-Enfant-Jésus. Samedi, la famille Ouellette sera en spectacle au brunch concert Yes No Toaster, vu sur la relève au divan orange. Et sinon, le soir, redistorsion avec We Are Wolf Country, avec le soleil sortant de sa bouche, Église Saint-Enfant-de-Jésus. Encore, en effet. Dimanche, c'est Jonathan Gatt avec Fitnat à l'Esco. Et sinon, écoute, quand j'ai beaucoup de choix, dimanche encore, au Fofone électrique, CJ Ramon va jouer avec Big Ice. Et si tu files, plus tranquille que les Ramones, au Vert Bouteille, Mélanie Venditti avec Jean-François Malo et Foisy. Lundi, je te dis sérieusement, repose-toi parce que là, t'avais beaucoup de possibilités. Mardi, c'est, mon Dieu, la prononciation, c'est Wingvie Malmsteen, ou le métalleux qui aime beaucoup la technique, sera très, très, très heureux. Je prédis du air guitar. Confirme-le-moi, crowd. Le tout se passe au théâtre Corona. Et si tu as envie d'y aller, ça sent-tu le concours, ça? Ah, peut-être. C'est à suivre. Sinon, mardi, il y a aussi Miss May I avec Obey the Brave. Je sais pas si t'es comme moi, mais les nouveaux vidéoclips d'Obey the Brave sont vraiment beaux. On va les écouter drette là en écoutant la marge. Et ça se passe au La Tulipe. Mardi, encore, je te dis trop de choix, il y a Young Aimé, le rap. Je dis le rap avec un grand R. Je vais vous le poster sur le Facebook de Critique de Crown, mais il y avait un article très intéressant sur elle dans les In Rock. Ah, le rap et sa réutilisation de ses codes. C'est toujours... Moi, ça, j'ai trouvé ça bien fascinant. Alors, si tu veux être fasciné toi aussi, c'est à l'Olympia. Et finalement, mercredi, Philippe B au Centre Phi. Et bon, concours. Si tu veux voir Yngwie Malmsteen, c'est au Théâtre Corona, comme je t'ai dit, mardi le 16 mai. Et je t'offre une paire de billets. Alors, appelle au 514-342-476. Puis je te le donne! Cadeau de même! Et on va écouter de la musique tout à fait excellente qui figure dans le palmarès francophone. Crook Bangs, nouvel album, je suis vraiment heureuse. Et on va entendre la chanson Baudelaire, sera suivie de Mardi Noir, Hiver Nucléaire. We'll be right back. toujours plus de mardi noir sur les ondes de CISM, toujours en 19e position du palmarès francophone Hiver nucléaire de leur nouvel album L'œil de la tempête. Et vous avez aussi entendu le deuxième album de Crook Bangs avec la chanson Baudelaire. Et pour toutes les autres chansons et beaucoup de belles affaires, c'est ISM893.ca. Et sinon, vous écoutez toujours Critique de Crowd en ce spécial tout ce qui reste de l'hiver, parce qu'on veut pas... On veut être à neuf pour fraîche pour l'été. Et je suis allée voir Soons au mois de mars. Et bah, Soons. Tu vois, tantôt, souvent quand je fais la présentation des shows de la semaine, c'est un grand exercice pour moi parce que c'est la prononciation en anglais et la prononciation au point des artistes. Je sais pas vous, chers auditeurs de la marge, en tant que mélomane, comment tu vis les prononciations des noms de Ben? Parce que, oui, Soons, je... J'ai scrappé ton nom allègrement par le passé. Et le pire dans tout ça, je m'en veux parce que... Hey, à ta minute! Yo, c'est Soons ici. Vous écoutez CISM 89.3. C'est Soons! J'avais comme tellement pas d'excuses pour pas savoir leur nom. Soons! Aïe, aïe, aïe, j'écoute pas assez les publicités de CISM, visiblement. Non, mais pour moi, c'est comme un... Ouais, c'est un gros problème. Puis le pire dans tout ça, longue histoire courte sur Soons, cher groupe montréalais qui existe depuis 2010, mais qui faisait attendre leur album Hold Still. Et je crois même que c'était la rentrée montréalaise en mars dernier au Club Soda. Ben, Soons, des fois, en tout cas, débat entre gens qui aiment la musique. Certains disaient que... Il y en a qui disaient « sonne haut ». Le groupe de drone metal, il disait son O, il voudrait dire son, faut pas me prononcer le O ni les parenthèses rendues là qu'il y a aussi dans le nom, là je comprends pas. La prononciation et les fantaisies dans les noms de groupes. Mais ouais, étant donné qu'il y avait le groupe montréalais Soons qui était populaire dans sa belle ville, ben, et qu'il pouvait avoir confusion, et c'est peut-être pour ça que les deux, ils ont comme leur nom qui se sont déformés à force de mauvaise utilisation par les fans. Ça, c'est un peu étrange comme théorie. Oui, j'en conviens. Tout à fait. Mais en même temps, ça expliquerait aussi pour moi pourquoi j'étais aussi ambiguë sur leur nom. Parce qu'à la base aussi, le band, c'était Zeros, mais pour des raisons légales, ils ont changé le nom, ils sont appelés Soons, parce que ça signifie zéro en thaï. Alors oui, en même temps, si on respecte la prononciation thaï, ben on est correct, là, encore faut-il... me direz-vous, faut-il la connaître? Effectivement, et c'est aussi... ben oui, la musique, on l'écoute avec nos oreilles, effectivement, mais le nom du groupe, il ne nomme pas toujours, à part s'il l'enregistre comme auto-promo pour les ondes de la marge. Et pour moi, ça amenait ce... Oui, cette dualité-là entre le rapport des mots à l'oral et à l'écrit. Parce que oui, tu le vois à l'écrit, puis après ça, des fois, tu sais pas comment le prononcer. T'aimerais ça avoir un code. Le code, ben oui, il y a l'écriture phonétique et tu le trouves même dans le dictionnaire. Mais là, Soons, je vais pas le trouver dans le Larousse. Fait que je suis pas vraiment avantagée. Alors oui, il m'arrive un peu trop souvent de te t'informer, toi, groupe que j'aime. Tous les groupes que j'aime, je tiens à le mentionner en ce moment. Je m'excuse. Je t'aime et je scrappe ton nom et que ça soit Soons et plein d'autres, là. Je m'excuse. Et je me suis dit, en échange, si un jour on se rencontre, tu sais, si on dit pis moi une fois on se croise dans la rue, ben moi je m'appelle Jolène Ruet. Et Jolène Ruet, à l'oral, ben tu le vois pas que c'est pas A-I-N-E, c'est E accent grave N-E, c'est Ruet, R-U-E-S-T. Ben tu sais, tu pourrais scraper mon nom en l'écrivant tout croche, je vais te le pardonner, Soons. Et si un jour on se croise et que tu as la fantaisie de m'appeler Janelle ou Joliane, limite Jocelyne, je vais te le pardonner, je vais te dire, t'as le droit de me rebaptiser parce que j'ai scrappé ton nom. Alors sur ce, je fais bien attention et je fais bien mes devoirs, mais pardonnez-moi, chers musiciens, parce que ça n'est pas une question d'amour pour vous, c'est vraiment juste une question de langue fourchue. Alors sur ce, ouais, je crois que j'aimerais surtout appeler tout le monde chérie. Appelle-moi chérie, Fudge. La côte est à faire monter. Hey, des fois, je m'écoute pas. je voulais vous faire jouer Appelle-moi chérie. Pas tout! On écoutait Ménastique la côte et Étoffe à monter. Alors voilà, j'espère que vous avez tout autant apprécié sur les ondes de CISM, le 89.3 FM, cette chanson de Fudge. Et sinon, vous écoutez toujours Critique de Crowd qui vous parle de Soons. Et Soons, non, ce n'est pas la première fois que je les vois. Oui, c'est la première fois que je les voyais en vrai. Et hey boy! Longue histoire courte, j'ai fait de la figuration il y a déjà 2 ans pour un film qui s'appelle Chorus. Et il y a une scène où Soons joue sur scène et c'était... Oh mon Dieu, le théâtre qui est sur Avenue du Parc, pourquoi j'ai un blanc? Bref, celui-là. Alors, il jouait sur ce théâtre. Pour de vrai, c'était vraiment leur chanson. Mais ce n'était pas un vrai spectacle puisque c'était filmé pour le cinéma et qu'il fallait de la foule. Alors, je critique de crowd dans de la fausse crowd. Qui l'eût cru? Ah, c'était merveilleux quand même comme expérience parce que ça suscitait en moi énormément de questions. Et la première était, est-ce que cette foule ressemble à la vraie crowd de Soons? Est-ce qu'ils ont fait des recherches pour... aller chercher le public type, parce que oui, on est casté même en tant que figurant. Là, ils cherchent des âges, des visages, ils cherchent des bodies différents. Alors, il faut de la variété. C'est bien joli, mais est-ce représentatif de la réalité? Et de toute façon, est-ce le but? Le but, ce n'est pas que ça soit vraisemblable. Ils ne font que capter une représentation qu'ils se font de la réalité ou celle qu'ils veulent bien donner si c'était simplement par but esthétique. Là, j'en parle parce que, ouais, j'en confesse, j'ai pas écouté le film. Mais aussi... mais aussi parce qu'on est du décor, faut quand même l'admettre, là, la figuration, c'est ça, c'est du décor vivant. Et le premier point, déjà en figurant pour de la fausse crowd et le genre musical de Soons, je me disais, est-ce que ça danse trop? Mais ça me semble que ça dansait unanime. Puis en même temps, filmer une crowd qui danse juste dans le centre de la foule, que les autres font de pied de grue, même s'ils sont attentifs, captés complètement par la musique. Ils sont ambiancés, ils sont quasiment hypnotisés. Ouais, peut-être que pour l'œil de la caméra, ça pourrait être ordinaire, effectivement. Mais quand même, je me demandais à quel point ça pouvait susciter physiquement une réaction Soons, parce qu'il fallait, nous autres, danser. Et l'autre point qui vraiment distinct, puis là, ce serait pour n'importe quelle fausse crowd de musique, c'est comment, inévitablement, tu connais pas grand monde parce que vous êtes juste payé pour être là. Vous êtes pas dans le même cadre qu'un vrai spectacle où tu viens avec tes amis, tu viens avec une gang et les gens qui viennent seuls sont relativement minoritaires. Je le dis, mais tu sais, je fais pas de calcul non plus puis je fais pas des sondages quand je vais voir des spectacles. Mais reste qu'il y a beaucoup un facteur social dans le fait d'aller voir des spectacles. Mais là, c'est comme complètement l'inverse. T'auras jamais vu une crowd aussi sans dire solitaire, mais qui viennent seuls, puis qu'eux autres s'en foutent, puis ils dansent pour eux autres, puis ça va bien. Hein? Mais je trouve que là-dessus, il y a un rapport plutôt faussé. Et même physiquement, tu sais, des fois, on le voit, comment il y a des groupes de gens qui sont assemblés. On le voit, le sentiment d'appartenance simplement par l'amitié. Vous allez me dire, mais oui, ça paraît physiquement. Ça paraît par ta posture, ça paraît ton attitude que t'es en groupe. Tandis que là, c'est complètement l'inverse. Les gens sont beaucoup plus rivés vers la scène quand t'es tout seul et que tu es là juste pour le spectacle, pour ce faux spectacle, en effet. Et sur ça, il y avait un des figurants qui, justement, lui, avait saisi ça, que oui, il y avait le facteur amical ou relationnel qui n'était pas présent dans une fausse foule et qui m'avait pris comme par-dessus le cou, tu sais, bras par-dessus. Là, mon Dieu, je l'explique mal, mais je sais que t'as compris, crowd. Et là, il me prend par le cou, puis il est comme « Yeah! On fait comme si on sortait ensemble, sans faire plus réaliste! » Je sais pas si tu pognes ta blonde par le cou de façon très chauvée, mais en même temps, je trouvais ça super drôle, son souci de réalisme. Bon, après ça, je sais pas trop si ça fonctionnait bien, là. En même temps, tu danses pas collé sur Soons. Ça, je peux te le dire. J'ai fait le constat aussi en vrai. Fait que je peux le prouver. Une chose qui est, par contre, sûre, oui, il y avait critique de crowd dans une fausse crowd, mais il y avait aussi de véritables amateurs de musique et des musiciens même à l'intérieur. Alors, comme quoi, il devait avoir certains... Ouais, un certain réalisme dans le choix de leurs acteurs. Et c'est nul autre que Gab Lapierre. Je le salue parce que oui, il figurait avec moi, puis on a trouvé ça bien drôle de se retrouver parmi, ouais, un faux spectacle. Je trouve ça quand même malade au lieu de le croiser à un vrai spectacle. Parce que je l'avais connu avant même qu'il y ait Faudrait faire la vaisselle ou Fuck You Callis. Même avant Crabbe, c'était vraiment genre, il arrive à Montréal, puis comme, ben je sais pas si c'est arrivé à Montréal, Gab, là, tu me confirmeras. Mais reste qu'il dit, ah oui, j'arrive, puis j'ai un band, ça s'appelle Varger, puis c'est ça, on s'en vient, là, on va faire des affaires. Et je trouve ça super beau qu'avec tout l'espace de temps entre ce fameux show au CFC avec Black Piranha, il y ait autant de groupes, et je les adore tous. Mes félicitations, Gab. Justement, on va aller écouter du Varger, parce que j'adore ça encore. Et on va en même temps écouter dans un autre genre musical, mais oui, on voit tout à fait les liens d'énergie avec Faudrait faire la vaisselle. Servir des cafés, reste ici, t'es même pas assez payé pour que ça vaille la peine jamais de retourner travailler. Entends-tu le cadran? Moi non! Avant de se coucher, on avait fermé le sang. Entends-tu le cadran? Moi non! Avant de se coucher, on avait fermé le sang. Si tu veux dormir avec moi, lâche ta job en verre demain. Si tu veux dormir avec moi, lâche ta job demain. Si tu veux dormir avec moi, lâche ta job en verre demain. Lâche ta job. ça tient de main. On s'inflige la productivité, mais quand on est dans ce lit-là, c'est nous qui l'avons décidé. On s'oblige à se faire patronner, mais la peau de temps cruel, elle goûte la liberté. Entends-tu ton patron t'appeler? Si il t'envoie pas, tu vas démissionner. Entends-tu ton patron t'appeler? Si il t'envoie pas, tu vas démissionner. Même si il faut manger demain, moi je reste ici. Il suffit d'une bouchée de pain pour couper mon appétit. Même si il faut manger demain, moi je reste ici. On ira main dans la main dans les poubelles de l'épicerie. Même si il faut manger demain, moi je reste ici. Il suffit d'une bouchée de pain pour couper mon appétit. Même si il faut manger demain, moi je reste ici. On y va main dans la main dans les poubelles de l'épicerie. Même s'il faut manger demain, moi je reste ici. Il suffit d'une bouchée de pain pour couper mon appétit. Même s'il faut manger demain, moi je reste ici. On y va main dans la main dans les poubelles de l'épicerie. Lance la chope, lance la chope demain. Lance la chope, lance la chope demain. Lâche ta job. Ma chanson préférée de l'album, faudrait faire la vaisselle. Vaisselle? Mais je pense... J'adore le nom du groupe. Déjà, à la base, je pense que je connaissais juste le nom et je me suis dit, je les adore. Parce que moi aussi, je me dis souvent, faudrait faire la vaisselle. Lâche ta job, qui est une chanson sur leur album French et dégoût à Almos. Et vous avez aussi entendu Varger avec la chanson... Eh hey boy, que là, je suis en train de l'oublier. Vous êtes mieux de regarder... Les chansons qui sont mises sur le site de CISM, CISM893.ca, parce que oui, des fois, ça arrive que Jolène est plutôt désorganisée sur les ondes de la marge. Et sur ça, ben écoute, je suis quand même pas si perdue pour ma critique de Crowd de Soons, même si le temps a passé. Oui, j'en garde un bon souvenir. Et en arrivant sur place, il y avait... Ben oui, j'étais pas la seule à arriver un peu en retard. Et il y a... C'est drôle, tu sais, c'est juste une phrase... Comme ça, lancé, une discussion entre amis. Le monsieur, il dit « Hey, la dernière fois que je suis venu au Club Soda, c'était pour voir les apartistes. » J'ai adoré ça. J'ai adoré déjà que dans la crowd, la variété, bon Dieu, de la consommation artistique et culturelle, tu vas voir Soons, tu vas voir les apartistes. Je trouve ça efficace, excellent. J'étais déjà, ouais, heureuse de cette crowd variée. Ouais. Je pourrais pas mettre tant on a affaire à tel type, parce que justement c'est un rock plutôt inclassable et on le voit à travers les t-shirts autant du Pouza que de Metz, autant des looks un peu plus punkish, métallish, mais qui boutonnent leur chemise jusqu'au dernier bouton. Fait que hein, c'est propre ça. Et autrement, je suis arrivée durant la première partie qui était Sarah Davachi qui fait dans du drone. Et justement, au moment où je suis arrivée, c'était un son non intermittent. Ça se peut-tu, l'inverse intermittent? Ben, ça va le faire pareil. Fait que, ouais, c'était un son continu. Et plus que continu que continu. Même que quelqu'un m'a fait le commentaire à la toute fin, parce que je lui avais demandé comment avait été le début de la première partie, étant donné que je l'avais manqué. Et il avait fait, ouais, ce que t'as entendu, c'était une toune. Ça laissait peut-être les gens pantois. Mais en même temps, je suis heureuse que ça suscite une réaction. Je trouve ça plus intéressant que l'indifférence. La seule chose, c'est que, oui, j'apprécie, sans être une grande connaisseur de drones, j'aime ça. Est-ce que le Club Soda est la meilleure place pour? Je suis heureuse que l'artiste puisse être devant une bonne crowd. Non, le balcon était pas ouvert, mais le parterre était assez comble. La seule chose, c'est que, ouais, là, ça se sentait dans le jasage. Mais quand même que tu jases crowd, c'est juste que, tu sais, justement, il y a juste un son. Fait que, il me semble que c'est pas... c'est pas comme un band qui rock ta face, puis là, c'est hyper... le volume au bout... Ouais, là, ça se peut qu'on t'entende pas jaser, mais même si le volume est élevé, pour une seule note continue, on t'entend. Et ce qui était drôle, c'est à m'avancer jusqu'à en avant de la scène, ben j'ai pu le sentir, tout le dégradé de conversation. Tu sais, oui, en arrière, on se sent moins interpellé par le spectacle. On est en arrière, justement, il y a cette permission de pouvoir jaser avec ses amis, commander un verre. Tu sais, ça fait partie du décorum. C'est juste que là, ça va de et étant donné, oui, le son portait, fait qu'on l'entendait même en avant. Je trouve que c'était une ambiance désavantageuse pour l'artiste, d'autant plus qu'elle était première partie. Fait que, ouais, non, la tension n'est pas la même pour une première que pour le show complet. Alors, c'est à suivre avec Sarah, c'est à suivre. C'est tellement à suivre qu'on va plutôt écouter Mordicus, parce que oui... À m'inverser, Soon Suns, ben ça m'a donné le goût de passer des chansons qui parlaient de soleil. Fait qu'on va passer Le Roi Soleil de Mordicus. Alors je crois Le soleil summer à l'ouest, et oui, les Breastfeeders de leur dernier album Dans la gueule des jours. Et vous avez aussi entendu le roi soleil Mordicus sur leur album Cri primal. Du soleil pour Soons et critique de Crowd. Aïe, aïe, aïe. Ben oui, Soons, j'étais bien heureuse de les voir en vrai, déjà en partant. Et très belle mise en scène, belle scénographie avec le nom du groupe en grosses lettres blanches qui s'élève. Un éclairage rouge aussi qui vient contraster. Ils jouent beaucoup avec les couleurs et justement avec la lumière, puisque les membres du groupe jouent ben à contre-jour. Ils jouent à contre-jour, ben oui. Parce qu'on les voit très peu, ça les rend énigmatiques. Est-ce des ombres? Jouent-ils de la musique ou font-ils des mimes? Je jagère, mais reste que oui, c'est rare qu'on sent si peu l'aspect humain des artistes sur scène, mais en les voyant tout en noir, simplement par l'éclairage, c'était bien réussi. Oh oui, bel effet, c'était bien esthétique. Et sinon, s'il y a de l'esthétique, est-ce que cette foule est statique? Oh! Je vous dirais, en extase, elle avait l'air fort satisfaite, tranquille. C'est à suivre parce qu'au début, effectivement, je voudrais bien te dire qu'elle était calme, en rangée, mais avec des faces de crème en glace. Tu sais, une face de... c'est bon, c'est doux. Il y a quelque chose de... Tu te laisses porter, tu profites du moment présent, les yeux fermés, beaucoup de petits quenouilles fermés, mais qui font la musique, oh, c'est une satisfaction tranquille, mais pas tant, et surtout de moins en moins. Je crois que quand on parle de l'aspect transcendant, là, ça, ben, on va le mettre entre guillemets, là, j'étais à radio, mais je te le dis que j'en ai mis avec mes doigts, là. Fait que, sans dire que tu te sens dans un autre monde, oui, tu te laisses porter particulièrement par leur mélodie qui est sans pause. Aïe, aïe, aïe, pas de jasette, pas de blabla, puis surtout, très peu d'interruptions entre les chansons. Ils continuent toujours à jouer entre, ou au moins un des musiciens continue à jouer. Je trouve que c'est excellent comme idée. Non, ce n'est pas novateur, c'est pas les premiers à le faire, mais trop souvent, il y a des blancs Ouais, quasiment comme des blancs au théâtre. Ou les musiciens savent pas trop quoi dire. Ça se peut que tu sois un peu loquace et tu préfères communiquer avec la musique. Oui, fort possible. Mais justement, pourquoi tu les provoques ces silences-là quand ils te sont pas avantageux? C'est quelque chose à dire puis que c'est intéressant, oui. Mais autrement, là, j'ai trouvé ça efficace. On le voyait que il était pas là pour nous sortir un message. Ils sont là pour la musique simplement et c'est efficace. Vraiment, j'ai apprécié. Seule chose, c'est en même temps, ça empêche d'applaudir. Fait qu'il était beaucoup plus, le public était plus retenu là-dessus. Et même les quelques moments de pause entre les chansons ont servi à avoir des applaudissements plus longs. Mm-hmm. Je dis souvent comme dans la crowd, oui. Tu vois, je veux pas faire de généralité, là, mais tu sais, souvent, l'énervement se passe en plein milieu. Pas pire en avant, mais pas tout à fait. C'est souvent, c'est une, deux rangées. Oh, un pit. Mais où les gens vont danser plus au centre. Vous comprenez le principe? Au centre, il y a plus d'action. Cette fois-ci, j'ai vraiment l'impression que c'était sur les côtés. Moi, j'étais vraiment à l'extrême droite. Et là, vraiment, les gens s'excitaient vraiment beaucoup. Vraiment dans le coin. Je sais pas ce qu'il y avait de particulier, le fait qu'on soit un peu à l'écart. Peut-être, surtout au Club Soda, t'as comme la sortie de secours, fait que c'est encore plus en coin. Il y a vraiment cet espace où tu peux être à part. Et ben, en même temps, tu entends aussi bien le groupe que tu serais ailleurs dans la salle. Et justement, là, il y avait un gars, il arrive. Yeah! Yeah! Puis il arrêtait pas de sauter. J'ai trouvé ça quand même drôle. Ça contrastait là, avec la foule. Une excitation vraiment grande. Et pire que ça, il était tellement... Il dansait avec beaucoup de ferveur, mais il dansait plus vite que le beat. Ah, ça, faut le vouloir. Tu sais, genre, t'aimes tellement la musique, t'aimes tellement le groupe, tu veux tellement te donner que finalement, t'assumes même plus la musique. Genre, ton énervement te surpasse. En même temps, justement, j'ai trouvé ça beau parce que tu le vois juste que c'est parce qu'il trippe. Fait que c'est bien, c'est heureux, c'est joyeux. Mais il était ben trop rapide, le gars. Ça me fait rire. Et parce qu'en même temps, c'est ça. En général, dans la foule, c'était d'une masse, justement. La masse faisait que ça dansait. Tu sais, gélatineux, élastique. Du mollasson que du groove. Ben, vraiment, j'ai l'impression que si tu prends, tu sais, une nuit vivante, là, avec ces petits bouts de bras là, bon ben, qui nageouillent dans le sable. Mais t'as un petit peu ce feeling-là à Soons, dans le sens que ça danse, mais c'est quand même décontracté, avec une certaine vigueur. Mais c'est, ouais, mou vivant. Autrement, le beau garçon qui fait des yeah yeah puis qui s'excite beaucoup, je sais pas il passait où, mais il s'est fait remplacer complètement dans la crowd par un trio de filles tout aussi excitées. Quand je te dis que dans mon coin, c'était comme le spot où s'énerver, et c'est un peu inexplicable, justement parce que oui, t'es bien placé, mais c'est pas la meilleure place non plus dans la salle. Il y avait un vent de liberté, je ne saurais te l'expliquer, surtout parce que au rappel, man, moi, je comprends grosso modo, c'est ça l'ambiance, oui, une vivacité dans sa mollesse et quelques gens plus excités que la moyenne. J'en aurais fait le compte-rendu ainsi, puis j'aurais été bien heureuse, mais au rappel, trash, j'y aurais pas cru. Et en même temps, on voyait que c'était des amis qui avaient quelque chose. Il y a eu un câlin collectif, tu sais, genre le trash que t'es comme fier d'avoir réussi, là. Juste le fait que tu puisses pousser ton ami. T'aurais pu le pousser n'importe quand, mais vraiment une formation d'un très, très petit trash. Justement, là, c'était à l'extrême gauche. Fait que vraiment, j'ai fait le bout de la salle parce que je l'ai senti de loin. J'ai fait oh, oh, oh. Il y a des gens qui s'énervent. Il y avait des gens qui s'énervaient. Plus le gars, il y avait un t-shirt qui illuminait. Oui, oui, il y avait comme des rayons. Il y avait des rayons dans son t-shirt. Le monde high-tech, vestimentairement parlant, ça m'impressionne. Fait que bref, salut à toi, garçon. Et salut à toi et tes amis qui ont trashé. Parce que j'ai bien apprécié, encore une fois, cette liberté de mouvement. Ils l'ont fait et ils étaient heureux. C'était tellement petit, c'était minuscule. Mais en même temps, tu le vois aussi que c'était un trash fait entre amis. Fait que j'ai pas participé, mais ça m'a bien touché. Félicitations les garçons et les jeunes filles et tout le monde à Soons. Et on va aller en écouter, je pense, hey, mon Dieu. On va écouter un extrait, au moins un gros extrait de Soons et la chanson 2020, Images du futur. Sur ce, je m'appelle Jolaine Ruet et c'est toujours un honneur d'animer sur les ondes de la marge. Merci, crowd. Vous êtes si beaux. je vous adore. Si vous avez des suggestions de spectacles sur le Facebook de Critique de Crowd, ben tu peux envoyer des suggestions, ça me fait plaisir. Au nom de la variété! Ben oui, parce que sinon, effectivement, je te parlerais juste de Mosh Pit, même là où on s'y attend le moins, et j'en suis bien heureuse. Alors sur ce, Sounds, et je vous dis à la semaine prochaine. Bye-bye! Théâtre Corona sont fiers de vous présenter les meilleurs concerts du mois de mai. Ne manquez pas Catfish and the Bottle Man le 3 mai. Laura Marlin le 13 mai. Yngwie Malmsteen le 16 mai. Eric Johnson Electric Band le 26 mai. Et Animal Collective le 27 mai. Pour plus d'infos et pour vous procurer des billets, visitez le evenco.ca. Diplômé? Vos études sont peut-être finies, mais pas votre progrès. Les diplômés du campus de l'Université de Montréal obtiennent 20 % de réduction sur l'abonnement au CEPSOM. Visitez le cepsom.umontréal.ca pour tous les détails. Inscrivez-vous dès maintenant. Le 16e Festival du Jamais Lu, c'est 43 auteurs du théâtre émergent, d'ici et de l'international, qui présentent 15 projets qui explorent les mutations de notre société. Rien de moins, cette année, au Jamais Lu, on réinvente le monde à coups de fiction théâtrale. Des réflexions profondes, des mots pertinents, des visions du monde différentes qui chamboulent nos idées établies vous y attendent. Venez vivre ce bouillonnement artistique avec nous du 5 au 13 mai au Théâtre aux Écuries. Les Francopholies de Montréal reviennent en force pour leur 29e édition. La série Tout en chanson, La Presse Plus présente le retour de la jeune sensation Émile Bilodeau. De l'hiver, de sa mère, des Nidipoules et de tous nos. Caroline Savoie et les pièces de son nouvel album. Et un programme double pour les amateurs de synth-pop avec Paradis et Le Couleur. De toutes les autres affaires qui font que les humains de la terre ont tout plein. Billets en vente au francopholies.com. Présenté par Bell en collaboration avec Ford du Canada, en association avec La Presse Plus et CISM. Canaille présente son troisième album, Backflip. Découvrez ce mélange particulier et follement authentique de folk, cajun et blues. Pour les dates de leur tournée, visitez le bellecanaille.com. Album en vente et en écoute partout dès le 28 avril. Détruire Bonjour, ici Noé Talbot. Vous écoutez CISM, la seule radio que j'écoute avec Radio-Canada, 999 The Buzz, 97.7 Énergie. Vous pouvez écouter mon tout dernier extrait, Matane. J'ai failli l'appeler Montréal, sauf que j'ai pas trouvé de crevettes ni dans le lac des Castors, ni dans le canal de la Chine. Fait que je l'ai appelé Matane. Vous écoutez Noé Talbot sur les ondes de CISM, Spirit of Rock. Restez qui sur le quai, sûrement pas Dieu. Vous écoutez CISM 89,3